Unité 12. 6 A. C'est décidé. Cet été, Max va aller en France. Il arrivera à Paris en juillet. Il visitera le Louvre car il adore les musées. Il ira se promener sur les quais pour admirer la Seine et visiter aussi le quartier du canal Saint-Martin, où ont été tournés des passages du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Puis, il prendra le TGV en direction du sud-ouest, pour visiter les grottes de Lascaux et goûter le foie gras. Ensuite, il louera une voiture pour aller dans le sud-est, assister au Festival d'Avignon et au Festival de jazz à Juan-les-Pins. Enfin, au mois d'août, il prendra le bateau et ira se reposer en Corse.